dando trabalho. Ele é pastor. Só que ele não demanda, só que ele não ia. O dele é a resposta. Qual é? Que eu faço o que se ligou. A chaca é o que eu já tenho. Fala. E a palha da Páscoa, galinha, do perna, do presidente, do piscote, visagem de lã, que não é curva. Então, o senhor, eu sou do Silva, de Nintendo, sou a meu fornecedor de mais grande sal. O meu pedido. A ferro tá e faz de por anaxia só posição do dia pelo. Isso é o que acontece, como eu disse, a chineta, nela que sim, de réel, não dá um universo quelconque. Je n'ai plus de colo. Je l'ai soulevé du point d'appui, toujours Archimède, que j'ai pris du grain de sable pour mon énonciation. Maintenant, j'ai un tas de gens qui veulent que je les prenne. Je ne vais pas en faire un tout. Pas de tout. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde, ai-je dit, et c'est vrai. Mais à quoi bon le dire? S'il y a beaucoup de monde qui a besoin de moi, et au moins, qui me croit avoir besoin de moi, qui me croit assez pour me le dire par écrit. Et pourquoi ne le croirais-je pas moi aussi? Puisque je me compte au nombre des dupes, comme chacun sait. Je n'attends rien des personnes, et quelque chose du fonctionnement. Donc, il faut bien que j'ignore. Puisque cette école, je l'ai soit à la hauteur. Auquel des élus à mon jury d'agrément aurais-je conseillé de voter pour lui-même si d'aventure il s'y était au titre de passant aujourd'hui présenté. Aussi, de refaire école. Mais sans que je tienne compte des positions prises dans le passé à l'endroit de personne, citation. 1964, celui qui m'ayant déclaré poursuivre avec moi, le fait en des termes qui, à mon gré, ne le démente point par moi. Je l'admire à s'associer à celui qui est de même. Qui est qui? Point de préjuge. Et m'en remet à l'expérience à faire, revienne s'il se peut. Tel le rendez-vous célèbre. Les amoureux lors d'un bal à l'opéra, horreur. Quand ils laissèrent glisser leur masque, ce n'était pas lui. Elles non plus d'ailleurs. Illustration de mon échec à m'identifier à cette hétérité, pardonnement libriste, qui m'a déçu assez pour que je m'en délivre de l'énoncer. Il n'y a pas de rapport sexuel. Freud, lui, part de sa cause phallique pour en déduire la castration. Ce qui ne va pas sans dire que je m'emploie à être. Contrairement à ce qui se dit de la naissance d'Alie, la femme, si j'ose dire, puisqu'elle n'existe pas, n'en est pas privée. Elle ne l'a pas moins que l'homme à quoi s'accroche son instinct. Si peu qu'elle en soit pour lui, car reconnaissant de ce verre, elle n'en obtient pas moins l'effet de ce qui, en limite l'autre bord de ce qui semble, à savoir c'est aujourd'hui nature antifaillite qu'il n'y a même en cela que les femmes qui, elles, existent, sont les meilleures analystes, les pires à l'occasion. C'est à la condition de ne point se produire une nature antiphallique dont il n'y a pas trace dans l'inconscient qu'elles peuvent entendre ce qui, de cette intention, ne tient pas à ce qu'il mais attient à ce qui s'en élabore, comme leur procurant la jouissance proprement salue. C'est drôle à moi aussi. Je tiens le coup d'autant, ce qui vous échappe, je ne peux pas pour cela. Un jour d'ailleurs auquel j'aspire, le malentendu n'est pas grave. Devenir de vous que j'en serai pas. S'il arrive que je m'en aille, dites-vous que c'est afin d'être autre enfant. On peut se contenter de autre comme tout le monde. Après une vie passée à vouloir l'être. Malgré la loi, on a je vous remercie d'être venus aussi nombreux.